Sous la lune, ton souffle m'attache. Chaque mot grave, une douce tache. Tes lèvres brûlent dans le secret. Chaque désir s'enlace muet. Radoskill murmure près de moi. Sa voix rauque m'emprisonne et me noie. Nos deux souffles serrent la nuit. Chaque frisson s'écrit en cri. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Write a skill, your voice in mine. Born of darkness, carved in song. Every whisper pulls me down. We are write a skill eternal. And our voices haunt. Mon souffle trace l'éclat du vent. Chaque frisson devient serment. Je ferme les yeux, l'ombre m'embrasse. Chaque mot brûle, chaque instant s'efface. Rider's skill marche dans la nuit. Sa voix rauque m'appelle, me suit. Nos murmures glissent dans l'air froid. Chaque désir s'attache à toi. Nos voix flottent, nos corps se taisent. Chaque vibration s'apaise. Sous la basse, nos chants dérivent. Chaque passion sera vie. Whisper softly, call my name. Every shadow hides the flame. Through the silence, hearts combine. Riders kill your voice in mine. Born of darkness, carved in sound. Every whisper pulls me down. Our voices haunt the ground. Nos voix s'élèvent dans le mystère. Chaque mot devient prière. Je sens ton souffle franchir mes murs. Chaque note résonne obscure. Ride a skill, sang dans les terres. Sa voix sombre fend la lumière. Nos murmures s'allongent sans fin. Chaque secret s'imprime en main. Whisper song. Ton souffle, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Rider skill brûle dans mes veines. Un chant nocturne, une douce chaîne. Rider skill.